Selon le journal d'internet sud-coréen Tongnews, la direction de la province du Jeolla du Nord du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a tenu le 24 avril une conférence de presse à la ville de Jeonju et publié la déclaration signée par 2105 habitants de différents milieux de la province pour demander la paix de la péninsule coréenne et l'amélioration des relations sud-nord. La déclaration note que les prochaines élections présidentielles doivent être un point de changement pour la liquidation des vices et l'édification d'une société nouvelle suivant l'esprit des manifestations à la bougie. Elle souligne qu'il est nécessaire de respecter et d'appliquer les accords sud-nord comme la déclaration commune sud-nord du 4 juillet, la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre, de rouvrir immédiatement la zone industrielle de Gaesong et de reprendre le tourisme au massif Kumgang, de cesser la disposition du SAD, de conclure un accord de paix et d'abolir la loi sur la sécurité pour la paix de la péninsule coréenne et l'amélioration des relations sud-nord.